je me suis promené dans une boutique où tout est soldé, même les élastiques. Je flairais partout les bonnes affaires, et puis tout à coup, c'est la révélation. Un gros tas de chiffons, un truc fantastique, sous un gros lampion que je trouvais comique. J'ai tout retourné, semant la panique, et puis j'ai trouvé un paquet de caleçons. C'est la magie du caleçon, du caleçon. C'est la magie du caleçon, du caleçon. En état second, fantasmagorique, j'ai pris les caleçons aux couleurs magiques. Un pour chaque jour, c'était l'Amérique. Tant pis les discours, et le qu'en dira-t-on? J'ai tout essayé au pas de gymnastique. Les gens effrayés devenaient hystériques. Devant le miroir, je suis magnifique, au grand désespoir de tous les Apollons. C'est la magie du caleçon, du caleçon. C'est la magie du caleçon, du caleçon. Le prix du trésor est microscopique. Pour moi, c'est de l'or, mais ça se complique. Je n'ai pas de sous, c'est catastrophique. Je reste debout en négociation. Mais le commerçant est très sympathique. C'est très gentiment qu'il me communique. Je peux les garder, mes saintes reliques, mais je dois chanter la magie du caleçon. C'est la magie du caleçon, du caleçon. C'est la magie du caleçon, du caleçon. C'est la magie du caleçon, du caleçon. C'est la magie du caleçon.